Yeah! Woo! Rock! Rock on! Rock on! Rolling, rolling, rolling! Thank you. c'est genre. Ouais, c'est parce que. Ouais, je sais pas si c'est pas ça. Aïe aïe aïe. J'espère que c'est pas son. Peut-être que mes cordes elles sont en train de mourir. Non, mais imagine si elle réglait du Freud Rose. Non, le Freud Rose. Le Freud Rose. Le Freud Rose. Alors, est-ce que tu as envie de niquer ta maman? Overhead. Là voilà, je vois tout ce qui se passe. Je connais un batteur qui joue vraiment comme ça, genre avec ses overheads. Ou Max. Wow. Comme ça. Et il joue comme ça. Wow. finale qui s'est mise dans mon pantalon. Du coup, j'étais en train de dire. On enregistre depuis tout à l'heure. Une pédale dans ton pantalon. On enregistre depuis tout à l'heure. D'accord. On enregistre depuis tout à l'heure ou pas? Ouais. Yeah. Ah, yes. I saw her. Enregistré. Ah, le talon, le talon. On a de l'eau par ça. Comment? On a de l'eau par ça. Non, je peux aller chercher. On met encore un ampli dessus. Partout, ouais, parce que... sorti pas. Thank you. cool. Non, c'était trop bien. Là, c'est ouais. T'as pas une pince. C'est laquelle? Ah, c'est la, c'est la, c'est la corde de sol. C'est la plus chiante. Pince. Hein? Ah, c'est. Ah oui. Ok. J'ai peut-être ça. Juste histoire de l'endroit. Je pense que bah, ça donne. Et si je mets des effets dessus, qu'est-ce que je peux mettre dessus? Okay. Yeah, just need some. Ooh, well, that's gonna be fun. Thank you. bas, ça.